êtes à Sifu pour l'écouter. 89.1. Bonjour, bienvenue à la portion Nouvelles Entrées des Palmarès Sifu pour la semaine du 2 au 8 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Tania Baudin, toute frisquette. Ah oh, ouais, j'ai froid, là. Ça se peut dessus pareil, hein? Le mois d'octobre commence. Hey, pour vrai, j'ai enlevé mon air climatisé en fin de semaine, me disant, ah, crème, il fait 7 degrés. Finalement, il a recommencé à faire plus, chaud. On n'est plus en été. Finalement, il a recommencé à faire chaud. C'est bon. Bref. Ça pour dire que... Hein? Ouais, il fait pas si chaud que ça. Non, mais en fin de semaine, c'était humide. Bref. On parle de météo comme ça, puis c'est plate à mort comme discussion. C'est pas grave, c'est pour vous accompagner lors de votre dîner. Et qu'est-ce que vous dites pendant votre pause de dîner, autre que des choses absolument pas importantes? Hein? Puis autre que de parler de la météo. Pas mal ça au Québec, hein? Bon. Tout le monde parle de météo sur l'heure du dîner. Tania pourrait aussi parler du fait qu'elle trouve que son veston est beaucoup trop long. Je trouve, ben, long des bras, évidemment. Mais je trouve surtout que j'ai l'air de porter un veston d'homme présentement. Il est ample. C'est parce qu'il faut comprendre que j'étais gelée et j'ai pris quelque chose qui se trouvait sur mon bureau. Mais qui t'appartient? Parce mais que... ça m'appartient, mais je ne comprends pas. Quand t'as emprunté ma veste ce matin, je pouvais comprendre que t'avais l'air vraiment petite dedans. Mais là, je comprends pas. D'après moi, il s'est passé quelque chose dans la dernière année entre le moment où je l'ai laissé sa chaise et aujourd'hui. En tout cas, bref, c'est de ça que vous parlez ce midi. De rien pour tout. C'est ça, exactement. On a des nouvelles entrées dans le palmarès cette semaine. Il y en a seulement 4 pour faire changement des dernières semaines. Donc en anglophone, plus tard, on aura Metz et Death from Above 1979. Du côté francophone, eh bien, tout à l'heure, on va avoir Octoplot, ben oui, notre groupe si favori. Mais on commence tout ça avec Pony et leur pièce Phoenix. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Entrée. disconnect the phone. Please leave a message after the tone. Entrée 19. We'll be right back. Pat, c'est Cellophane. C'est ton poisson numéro 19. Nouvelle entrée de l'album Strange Peace. Mets, qui est un groupe de noise rock canadien, originaire de Toronto, en Ontario. Ouh, et du côté francophone, eh bien, c'était héros ou ennemi? C'est la grande question qui tue de Octoplot. Ça aussi, ça tue. Oui. Je sais pas, on dirait un ennemi dans un jeu vidéo inapproprié. Ou genre, tu sais, comme dans Spider-Man. Ouais. Le gars est plein de tentacules. C'est ça. Octoplot. C'est ça. Je trouve que ça fait bien. Mais band, bien évidemment, du Québec qui sont labelés par Slam Disc. Oui, nos amis de chez Slam Disc. Exactement. Tout à fait. C'est un duo, en fait, Octoplot. Je sais pas si tu savais ça, mais c'est un duo émergent de la scène rock. J'aurais pensé qu'elle allait être 8, étant donné le nom Octoplot. Mais moi aussi, mais non, tu vois, c'est faux. Et aucune fille. C'est un mensonge. Du côté anglophone, en 20e place, nouvelle entrée de Death From Above 1979, la pièce Never Swim Alone sur l'album Outrage Is Now. Ça, c'est un duo de rock indépendant de Toronto aussi. De mon côté, c'est un bloc pas mal canadien. Les membres sont Jesse F. Keeler à la basse, synthétiseur et chœur, et Sébastien Granger au chant et à la batterie, formés en 2001, puis ensuite séparés en 2006. Ils se sont reformés en 2011 et les voilà avec un nouvel album. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Pony avec Phoenix, qui est aussi du Québec. On aime bien, on aime ça. Je suis torontois et toi, québécoise. Voilà. Voilà. On a fini les nouvelles entrées déjà, seulement 4. C'était comme ça. OK, bye! Ben, des fois, on fait 12 nouvelles entrées, 14. Oui, c'est ça. Ça dépend de la semaine. C'est le début de la saison, faut croire. Donc, on va entendre les pièces qui ont bougé un petit peu. En 18e place, ça descend de 2 places. C'est Hooded Fang qui est là depuis 7 palmarès avec Queens of Aguasan del Norte. Et du côté francophone, eh bien, à place de descendre, on a monté de 2 positions. La semaine dernière, on était en 20e place. Voici Rudy Bernard et Vanity Song. Palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Baiser à la dérobée pour la Dorothée qui claque ses souliers. Des préfixes fixes aux fixatifs, aucune idée fixe que des cheveux excessifs. C'est mystiqueux, suggestif, l'air introspectif, réflexe subversif. Magique, un charme énigmatique, des mimiques excentriques. Réfléchis. Et de libertinage dans la nuit sauvage. Angélique, le classique, caprice psychédélique, des éclats sardoniques, kaléidoscopiques. Enchanté, bariolage, grimage ou maquillage, la fête des mirages, des masques sans visage. Fantomatique. Projette-moi, miroite-moi, aime-moi, s'il te plaît, fais-moi croire, admire et emmène-moi loin d'ici. labyrinthique, de faux semblants en jeu de tique. Et balance en sens l'escalier, cabale de chaussures avalées, des marches à garde, des zigzagues. Sous le carrelage modulé, carré parfait éducation, oh, n'exclut pas les contradictions, oh, confusion, cirque, des abstractions. Au bataillon des tentations, du rouge sur la bouche peinturée, et les paupières charbonnées, un peu de poudre pour le nez, de l'héroïne poussière fée. 18. Et Queen of Yagisan del Norte qui descend de deux places en 18e position anglophone. Et du côté de la 18e francophone, eh bien, on a monté de deux positions depuis le dernier palmarès. C'était Vanity Song avec Rudy Bernard. Eh ben oui, Vanity Song, Hooded Fang. On dirait qu'on se prend un petit accent des fois. Là. Non, c'est le manque de voix. C'est le manque de voix. Mais c'est charmant quand même. Ah, merci, merci. Ben oui, ben oui. Donc, position numéro 17 maintenant du côté anglophone. Trailer Trash Tracy's avec, et là, je vais prendre encore un accent, mais je sais pas lequel. OK, c'est bon. Sibengas. Ouh, et on a descend, oui? Ouais, Sibengas. Ouais, ouais. Je sais pas. C'était pas loin. Ah, ben ouais. De qui? De qui? Ah oui, c'est vrai. De Trailer Trash Tracy, je l'avais dit en fait. Ouais, bon, hein, ça sais faisait pas longtemps. Ouais, ça monte d'une place. C'était de vous la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, on va aller entendre une pièce qui était pas mal plus haut que ça. Au dernier palmarès, on était en 8e position. Et là, on est descendu en 17e place. C'est Long Gone de Daze. Où est-ce que c'est Dazé? Dazé. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Ha! matin qui te réveille. Normalement c'est elle qui te sort du sommeil. Mais tes culottes, je peux plus voir. Inventer des histoires pour te faire à croire. T'as rien de player, t'es simplement pathétique. Quand le domaine n'est pas du la leur. À son cœur un beau gars sur un plateau d'argent. Génération Tinder, tu m'auras fait voir comme les loups ont de grands dents. Ça se dit les meilleurs, mais vous êtes toutes pathétiques. Quand je viens de mettre les portes à l'or. Oh oh oh, oh yeah. Oh surprenant que couleur joue le poids des problèmes. Tu vois plus le beauté dans le noir. C'est clair qu'avec le temps, car mon fessé en calvaire. Y'a pas perdu son élan. Y'avait le vent dans le dos. La balle était dans son camp. Oh oh oh. Thank you. Twitter Trash Tracy's et Sibink. On se croirait dans le Roi Lion avec cette chanson-là. C'est vrai. Ça monte d'une en place. La jungle. C'est nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, en 17e position, c'était Long Gone, la version française, oui. Sachez-le, du groupe Days, qu'on a déjà reçu ici en studio. On le dit à chaque fois qu'on les joue. On le dit à chaque fois, mais c'est parce que en acoustique, c'est tellement différent et ça avait tellement été bon. Je les ai suppliés cette journée-là de sortir un album acoustique. Oui, c'est vrai. Je sais pas s'ils vont m'écouter. Faudrait penser, en fait, se découper ces petites chansons-là pour les rejouer à un moment donné. Je vais la réécrire. Ouais. Je vous le dis, je vais la réécrire. Bonne idée. Alors, on est rendu au poste numéro 16 maintenant, du côté anglophone. C'est Aaron Delessio avec Destroyer qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, c'est Catherine Leduc avec Rien comme le froid. Ah, ben, y a rien de meilleur que ça. Puis eh bien, non. Ça. Eh oui. Dégourdis tes doigts un petit peu, puis joue okay. Une petite chanson. Catherine Leduc. M'en faire ça. Mille fois size.

Faith Healer, position numéro 15, ça descend de 4 places en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, pour une deuxième semaine de suite, ils sont au palmarès. C'était Lomépal avec Zudiz. Il reste pas mal juste assez de temps pour aller entendre une ou deux dernières pièces. Je suis pas encore super bon en mathématiques. Ouais. Ça paraît, hein? Que mais je non, calcule voyons. Pas tout à fait nécessairement correctement mes affaires, mais en parlant plus longtemps je parle, moins on va avoir le temps pour deux c'est pièces. C'est ça, exactement. Fait qu'on va l'entendre au moins à la 14e position francophone. Eh bien oui, on monte de 4 positions pour Rosie Valeur avec Synchro. Et on verra ce qu'il y a d'autre après. On se synchronise. C'est comme ça qu'on fait ça. Ouais. Merci Rosie de me rappeler de me synchroniser. I'm deuxième francophone, Rosie Vallant, et Synchro qui est montée de 4 positions voilà. depuis la semaine dernière. Finalement, on n'a pas le temps d'entendre l'anglophone. Eh bien non, alors... c'est comme ça. Merci d'avoir été là pour la portion Nouvelles Entrées. On se retrouve la prochaine fois pour la portion Mishmash avec la chronique C'était fou, Palmer Stin Peace, un paquet d'autres choses. Tu seras pas là, moi je vais être là. C'est du lundi au jeudi entre midi et 13h. Rafale, édition week-end les samedis à partir de midi. Les auditeurs du lundi, restez donc là pour Rock Classique qui sont dans quelques instants. Mm-hmm. Et sinon, ben restez là parce qu'on va être de retour nous après. Oui, c'est vrai. Le week-end. Exactement. Bye! Bye.